Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce journal dont voici d'abord les titres. Et la déclaration des biens des hauts cadres à l'entrée et à la fin de leur fonction est une avancée dans la lutte contre la corruption, selon l'expert économiste Faustin Dikoumana, qui propose aussi la mise en place d'une loi qui régit la déclaration de ces biens. La lutte contre la consommation des drogues chez les jeunes requit le concours de plusieurs personnes. Cela a été dit dans une réunion organisée par le centre Aluma avec les parents des enfants qui consomment ces stupéfiants. Et les éleveurs de la commune de Guihanga en province de Bubanza saluent l'implantation d'une mini-loterie dans cette localité. Cette mini-loterie leur facilitera l'écoulement de leurs produits laitiers. François Akimana sur la mise en onde de ce journal. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La déclaration des biens des hauts cadres de l'État est une avancée dans la lutte contre la corruption. L'avis est de l'expert économiste Faustin Dikoumana. Il précise que l'immobilier, la situation bancaire, font des biens, sont des biens à déclarer. Faustin Dikoumana suggère aussi la mise en place d'une loi régissant la déclaration des biens et réprimant aussi des fausses déclarations pour que ce principe prenne effet. Suivez-le. Depuis que le président de la République a annoncé la déclaration des biens par les hauts cadres de l'État, nous nous félicitons de cette annonce parce que c'est une véritable étape importante dans la lutte contre la corruption. Normalement, la loi est assez claire. Qui doivent déclarer le bien? Il y a le président de la République, le premier vice-président, le premier ministre, les assistants des ministres, les secrétaires permanents, tous ceux qui gèrent les projets dans les ministères, les directeurs généraux, les directeurs des départements, gestionnaires des fonds, de la logistique dans les ministères, comment la police et l'armée, il y a les membres des bureaux de l'Assemblée, du Sénat, il y a les directeurs généraux des sociétés publiques ou parapubliques, il y a les présidents des conseils d'administration, il y a les directeurs, il y a les comptables, il y a les administrateurs communaux, les comptables des communes, les conseils au développement dans les communes, donc tous ceux qui ont à gérer les fonds publics dans leurs institutions respectives. Normalement, qu'est-ce qu'ils doivent déclarer? Il y a de l'argent qui se trouve sur leur compte en banque, il y a les actions qu'ils détiennent dans différentes entreprises, il y a les véhicules, il y a les entreprises qu'ils auraient créées eux-mêmes, il y a les immeubles, il y a les terrains, etc. Ils doivent déclarer les biens inscrits sur leur nom propre, les biens inscrits sur les noms de leurs conjoints, les biens inscrits sur les noms de leurs enfants, surtout les enfants mineurs. Mais actuellement aussi, on constate qu'il y a encore des lacunes de la loi parce que jusqu'à maintenant, la loi ne rend pas obligatoire cette pratique. Il n'y a pas de procédure de vérification, d'enquête. Comment est-ce qu'on va déceler ceux qui auraient menti, parce que quelqu'un peut mentir, grossir ses déclarations pour essayer de chercher pendant la législature ou bien omettre tout simplement à déclarer certains biens. Donc, aussi, il y a d'autres mesures d'accompagnement qui doivent être prises pour que ce principe arrive au résultat escompté. Mais quand cela nous tient, c'est une avance. Et aussi, on peut se demander qu'adviendra alors le sort des partants. C'était Faustin Dikoumana, expert économiste. Et la lutte contre la consommation des drogues, le travail des parents, les éducateurs dans les écoles, l'administration et les agents de sécurité. Lors d'une réunion d'échange avec les parents organisée ce samedi par le Centre d'accompagnement psychosocial Aluma, les parents ont souhaité que les campagnes de sensibilisation soient multipliées dans le quartier. Ambassadeur Albert Mbonelane, représentant de ce centre, a dit que les parents ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre la consommation de ces stupéfiants. On signale que l'élément n'est pas encore disponible. Coupure de la route nationale 16 reliant les provinces de Bururi et Gitega au niveau de la rivière Djidji. Depuis l'après-midi de ce vendredi, de gros arbres abattus le long de cette route dans sa partie sujette à des travaux de bitumage sont responsables de la destruction du pont sur cette rivière, rendant du coup impossible le passage des véhicules. Le conducteur qui empruntait cette route actuellement en phase d'aménagement disent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de suspendre le transport via cette route, surtout les camions ne pouvant pas traverser la rivière Gigi par ce pont. Ils demandent sa réhabilitation dans les plus brefs délais. Le conseil socio-culturel du gouverneur de Bururi dit qu'on s'active pour renormaliser la circulation routière. Les rapatriés ont besoin d'un accompagnement psychosocial et un soutien financier pour la bonne réinsertion sociale. Propos de Annick Nicoqueza, coordinatrice nationale de la plateforme des intervenants en psychosocial et en santé mentale PPSM. C'était ce vendredi lors de la capitalisation du projet ISANG lancé en 2018 et lancement officiel du projet Toura Utuze. Certains des rapatriés bénéficiaires se réjouissent de ce projet. Le point avec Ezekiel Ndikumwenayo. Il s'agit d'un vieux d'une soixantaine d'années, originaire de la colline Ezone Muyangi de la commune Nyanzalake, en province Makamba. Récemment rapatrié en provenance du cas de Nyarugusu en Tanzanie, déplore que les rapatriés soient stigmatisés par les résidents. Il raconte qu'à l'arrivée, certaines personnes les ont accueillis chaleureusement, mais d'autres les ridiculisaient qu'ils ont quitté le pays sans motif. Les uns les accusaient de les avoir laissés seuls dans le pays, mais malheureusement, que ces rapatriés retournent mais vides. Annick Nicoqueza, coordinatrice nationale de la plateforme des intervenants en psychosocial et santé mentale, PPSM, trouve que ce genre de comportement désoriente plusieurs familles de rapatriés. La prise en charge psychosociale dans leur communauté de retour nécessitait un renforcement. C'est une catégorie de la population qui a été confrontée à des blessures, à des traumatismes, que ce soit au moment de l'exil, pendant l'installation dans les camps de réfugiés, mais également dans leur parcours de retour. Ainsi, nous les soutenons pour qu'ils puissent être responsables de leur bien-être, mais également puissent contribuer à la cohésion sociale. Même si cette situation est ainsi, ce rapatrié apprécie la part de cette plateforme en collaboration avec les agents communautaires et l'administration qui travaillent en synergie dans la réintégration des rapatriés. Ce soixantaine témoigne la bonne action des agents communautaires et de l'administration locale et certaines organisations qui ont contribué dans la réinsertion psychosociale après le rapatriement. Le soutien financier envers les rapatriés constitue une devoir de les faire oublier les moments douloureux qu'ils ont vécu, indique la coordinatrice nationale de la plateforme des intervenants en psychosocial et santé mentale, PPSM. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouf de soulagement pour les éleveurs de Guihanga en province de Bumanza qui viennent de bénéficier d'une mini-loterie pour la transformation de leurs produits. Ce vendredi, des envoyés du PN Sadrim qui a construit ce bâtiment bien équipé étaient en visite d'évaluation. Maurice Senaïraja, consultant en élevage, demande aux membres de la coopérative des éleveurs de contribuer et se chercher le matériel non encore disponible afin que cette mini-loterie puisse commencer à fonctionner. Space Caritas Cabagnana. Les éleveurs de Guihanga regroupés dans la coopérative Guizungimbuamata sont au nombre de 350 selon Christophe Haïmana, président du conseil d'administration. Les vaches de race améliorées qui ont été données par le PENSADRIM, Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural dans l'Imbo et le Komosso sont au nombre de 262 vaches en commune Guihanga et 105 vaches en commune Manda. Dans toutes ces communes, les éleveurs se lamentent du manque de marché d'écoulement du lait. Ceux de la commune Guihanga disent avoir trouvé une solution alternative. Ils ont loué une maison pour la collecte de lait en transit vers Bujumbura. Et on travaillait en perdant depuis le début, comme le précise Monique Monique Munezero, présidente de la coopérative. Ces éleveurs disent actuellement être contents du bâtiment de mini-laiterie construit par l'Open Satrim à Gihanga pour la transformation du lait. Ce vendredi, une délégation de ce projet s'était rendue sur les lieux pour voir où on en est avec les travaux de finissage de ce bâtiment déjà équipé. Les fonds de roulement sont de 142 millions de francs burundais et selon Renova Ngendakuriyo, consultant en ce qui est des associations, a précisé que si le matériel qui reste, l'eau, l'électricité et les fonds de roulement sont disponibles, cette mini-laiterie peut commencer à fonctionner dès le mois d'octobre. Maurice Nailaja, consultant dans le domaine d'élevage, a demandé aux éleveurs de contribuer eux aussi pour le matériel qui reste afin que les travaux puissent commencer. Spes Caritas Kabanyana à Gihanga pour la radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana et vous nous excuserez de la qualité de cet élément sonore. Le représentant légal de l'association Initiative pour la promotion, le développement et l'éducation des commerçants Prodeco demande aux autorités administratives d'Ngozi la mise en place des mesures provisoires afin de permettre aux vendeurs des produits Brarudi de continuer à travailler. Dans une conférence de presse, Martin Sindaruhuka a rappelé l'arrêt du travail des semi-grossistes des produits Brarudi dans cette province depuis quelques jours, suite à l'ordre intimé par le gouverneur de cette province à cause du non-respect des prix fixés par le gouvernement. Ces commerçants s'étaient arrogé le droit d'ajouter 100 ou 200 francs par bouteille selon le produit. Et à ce propos, le gouverneur de la province d'Ngozi, Epipo Debalanyikwa, ne demande que le respect des prix officiels. Ngozi, rendons-nous à Makamba. Certains des réfugiés récemment rapatriés de la colline de Muyangi en commune de Nyanzalaki disent qu'ils font face au manque de moyens financiers pour qu'ils puissent commencer à cultiver avec le début de la prochaine saison culturelle. Ils demandent d'être assistés en semences et en outils agricoles. Jérôme Akiziman. C'est une femme rapatriée au cours de ce mois d'août. Elle est parmi d'autres rapatriés rencontrés chez eux sur la colline Muyange, commune Nyanzalak en province Makamba, qui était dans les camps de réfugiés en République unie de la Tanzanie. Certains informent avoir trouvé leur maison quasi détruite, d'autres les toitures de leur maison déjà endommagées. Non bien, nous les avons trouvées là, sauf que nos maisons ont été endommagées, surtout au niveau de la toiture. Je m'occupe pour le moment de la fabrication des briques pour voir comment la viabilité. À côté de cela, ceux-ci disent faire face au manque de moyens financiers pour pouvoir se procurer des nécessités en agriculture et subvenir aux besoins de leurs enfants en matériel scolaire. Toutefois, ces rapatriés soulignent être en bon terme avec les résidents, cette cohabitation s'expliquant d'une entrée d'entre eux au mieux de leurs capacités. Tous ces rapatriés demandent d'être assistés en leur donnant surtout l'étole, le matériel scolaire pour leurs enfants, et le nécessaire pour pratiquer l'agriculture, dont les semences et les houes. Nous demanderions qu'on nous donne l'étole, les semences et les houes, pour que nous aussi puissions nous développer via l'agriculture et nous venir en aide en ce qui concerne le matériel scolaire de nos enfants. Selon Chantal Rafashimana, membre de l'administration locale sur cette colline Muyange, il n'y a pas eu d'assistance ces derniers jours. Cette administration à la base dit s'être également préoccupée de l'inscription à l'état civil des rapatriés ayant fondé leur foyer quand ils étaient encore dans les camps de réfugiés. Jérôme Akizimana de Pignanzalak, Radio Isanganiro. Merci aussi à Jérôme Hakizimana. Revenons sur l'élément en rapport avec la lutte contre la consommation des drogues qui est un travail des parents, des éducateurs dans les écoles et l'administration et les agents de la sécurité lors d'une réunion d'échange avec les parents organisée ce samedi par le Centre d'accompagnement psychosocial allemand. Les parents ont souhaité que les campagnes de sensibilisation soient multipliées dans le quartier. Ambassadeur Albert Bonnelané, représentant de ce centre, a dit que les parents ont un grand rôle à jouer pour appuyer dans la lutte contre la consommation de ces stupéfiants. Écoutez. Quand nous écoutons les jeunes qui visitent ce centre, des fois nous sentons qu'il y a, c'est pas une bonne cohabitation entre les parents et ces jeunes-là. C'était aussi une occasion de communiquer aux parents pour leur dire maintenant le gouvernement a pris une mesure pour améliorer la situation. Il y a une ordonnance qui classifie les stupéfiants et les boissons prohibées, ce qui signifie qu'il y a des produits qui étaient sur le marché qui n'étaient pas du tout interdits. Mais aujourd'hui, les parents, maintenant, ils sont au courant de l'existence de cette ordonnance. Quand je vois les engagements pris par les familles, nous avons déjà commencé à faire des contacts avec les hautes autorités, le maire de la ville de Bujumbura. Il a bien accueilli la nouvelle. C'est que nous allons essayer de sensibiliser les autorités administratives, les administrateurs, les chefs de zone, les chefs de quartier. Alors si un chef de quartier est au courant qu'il existe une ordonnance qui est sortie, qui classifie les boissons prohibées, les drogues et les stupéfiants qui sont prohibés, maintenant il va dire, maintenant je dois montrer que les choses ont changé. Parce que c'est pas normal qu'un chef de quartier passe à côté des jeunes qui sont en train de consommer des boosters du caribou et trouve que la situation est normale. Je me dis que si le chef de zone a compris, si le chef du quartier a compris, et le message va descendre jusqu'au niveau des familles, vous allez voir, les résultats seront excellents. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la volonté politique. Et cette volonté politique doit commencer par la base. Voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Mais dans quelques instants, c'est le rendez-vous de la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, a visité mercredi le centre semencier de Kajondi, situé en commune Rutovu, dans la province Bururi, rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise que sur une superficie de 250 hectares, le dit centre produit différentes semences sélectionnées pouvant générer à la récolte respectivement 15 tonnes de maïs, 12 tonnes de blé, 12 tonnes de haricots et 280 tonnes de pommes de terre. Mais, souligne l'ABP, le président de la République a fait savoir que les semences sélectionnées de Kajondi coûtent cher, alors que ce centre devrait vendre des semences à des prix réduits afin de permettre à la population de s'en approvisionner facilement et ainsi améliorer la production agricole. La date de la rentrée scolaire 2020-2021 déjà annoncée, les concernés ne sont pas prêts, s'inquiète la voix de l'enseignant, qui énumère différentes raisons liées aux difficultés auxquelles font face les différents partenaires de l'éducation. Les parents et les directeurs d'école disent qu'ils n'ont pas encore terminé les préparatifs pour la rentrée scolaire 2020-2021, fixée le 7 septembre 2020. Les parents salariés disent attendre les paiements pour acheter le matériel scolaire et avoir du Minerval. Or, ces salaires arrivent sur leur compte bancaire vers la fin de la première semaine du mois suivant, qui coïncide avec la rentrée scolaire. Les directeurs des écoles, quant à eux, disent qu'ils attendent l'affectation de nouveaux enseignants, la disponibilisation des manuels pédagogiques des enseignants et des élèves. Les directeurs des écoles attendent le déblocage des subsides pour la restauration des élèves internes. Même l'administration n'est pas encore prête, dit la voix de l'enseignant. La commission chargée de l'orientation des milliers d'enfants qui termine le fondamental n'a pas encore achevé son travail. Pour cet hebdomadaire de l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique n'a pas tenu compte de ces paramètres qui conditionnent une bonne rentrée scolaire. Probablement qu'il a voulu faire respecter la date de la rentrée 2020-2021 qui a été prévue dans le calendrier scolaire de l'année écoulée. Le renouveau pointe un problème économique redoutable sur le Burundi, les changements climatiques, dans la mesure où ils compromettent gravement ses efforts de développement humain dans tous les secteurs clés de la vie nationale et mettent le pays face aux immenses besoins d'urgence pour réhabiliter l'environnement et les infrastructures socio-économiques, et surtout pour faire face aux famines et épidémies qui affectent principalement les populations les plus vulnérables. Ce quotidien gouvernemental cite un document intitulé « Troisième communication nationale sur les changements climatiques » qui indique que depuis septembre 2015, plus de 4 millions de personnes ont été affectées par des pluies torrentielles, des déficits hydriques, des inondations et des glissements de terrain. Ces événements climatiques ont détruit 30 000 hectares de culture et 50 000 habitations. Ce journal conclut toujours en citant ce document que les déplacements massifs des populations burundaises parties au Rwanda et en Tanzanie pour survivre sont une conséquence d'un fait tout à fait nouveau au Burundi. Enet presse de rappeler ses oubliés de l'inondation de Gatumba, parlant de ce groupement de populations misérables de Mouchacha 1 et 2, logés dans des maisons de fortune, qui se plaignent qu'elles sont tombées dans les oubliettes des bienfaiteurs et surtout du gouvernement de Gitega. Ces populations ont témoigné à la rédaction de ce quotidien en ligne qu'une famille nombreuse est obligée de se relayer pour dormir pendant la nuit et les autres passent la nuit à la belle étoile, dépourvus de quoi manger, d'eau et craignent le pire, comme les maladies dites des mains sales. Ces citoyens craignent que des enfants et d'autres personnes en situation de vulnérabilité risquent de trouver la mort suite à cette précarité et demandent aux âmes charitables, tout comme au gouvernement, de voler à leur secours. D'autres trouvent que si rien n'est fait, alors que la saison pluvieuse approche dangereusement, leur situation évoluera vers l'irréparable, écrit toujours Net Press. Selon le journal Burundi Echo, le retour des victimes des inondations de Gatumba dans leurs quartiers respectifs est en cours de préparation par le gouvernement en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Ce mouvement ne concerne pas les sinistrés des quartiers Mouchacha 1 et 2 ainsi que ceux du quartier Gaharawe car il s'y observe encore de l'eau stagnante. On compte les délocaliser définitivement vers d'autres endroits plus sécurisés. Et d'ailleurs, ajoute cet hebdomadaire, ces quartiers vont devenir propriété de l'État. Enfin, des travaux de délimitation de la zone tampon pour la protection des lacs du nord du Burundi ont commencé ce vendredi par les lacs Chohoha et Kanzigiri de Kirundo, rapporte notre confrère en ligne, La Nova, sur sa page Facebook. Il s'agit d'une zone de 150 mètres à partir du bord du lac. Et comme l'écrit La Nova, ces travaux ont eu lieu sur la colline Budagunga, en commune Gambarangwe. Jérémy Nginahatemba, directeur de l'eau et de l'hygiène, a demandé à la population de respecter cette zone protégée, termine La Nova. Ainsi se termine cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.